9 Yorick. Appelez maintenant mademoiselle Élisabeth, qu'elle dise au portier de venir nous aider à défaire cette cloison. J'y vais, mon oncle, dit sa nièce sans murmurer du sacrifice de sa chère cloison. Elle courut elle-même pour épargner à Élisabeth la peine de descendre. En traversant les longs corridors de cette immense maison, elle rencontra des maçons qui retournaient au travail et les pria d'entrer. En un clin d'œil, la cloison, le paravent, les cadres qu'on y avait suspendus, la niche aux papillons, seul trésor de M. Léonard, après la peinture et la musique, tout fut à terre, laissant chacun dans un nuage de poussière à ne plus se reconnaître. Abel entra à l'instant même, tenant par la main le jeune Allemand qui l'avait annoncé. Cause innocente du singulier agrandissement de l'école. « Nous vous faisons place, monsieur, dit le peintre, gai et calme comme au milieu d'un ordre parfait. » Tandis que la pauvre Ondine, honteuse et suffoquée d'un tel bouleversement et du vol tourbillonnant de la poussière, s'empressait à grand-peine de l'abattre avec son mouchoir. Les maçons attendaient immobiles comme des poutres le paiement de leurs services, et tout le monde se saluait sans se voir au milieu du voile poudreux qui s'établit enfin lentement sur les vêtements et les cheveux de chacun. Élisabeth, croyant l'atelier enfoncé d'un étage, était descendue plus morte que vive. Elle emmena les ouvriers. Il les paya bien, pour les faire parler. Ils répondirent de la solidité de la cellule, pour 10 mois au moins. « Bon, dit-elle, j'ai le temps de préparer mon dîner. » Quand la poussière, entièrement assise, laissa distinguer les objets et permit d'ouvrir franchement les yeux, M. Léonard montra obligeamment au nouveau venu l'espace qu'on venait de lui improviser et qu'il occuperait quand il voudrait. Ondine, pour excuser autant que possible cette confusion qui la faisait rougir, assura vivement qu'on s'y reconnaîtrait mieux une autre fois. « Je m'y trouve déjà bien, dit l'étranger en la regardant en face et sans façon. Elle était si peu faite au compliment avec ses frères d'atelier qu'elle le regarda d'eux-mêmes, et de tous ses grands yeux candides. Elle eut le temps de voir une figure de 20 ans, pleine de vie et d'éclat, dont un sourire vrai tempérait la gravité, un regard aimable à rencontrer s'il ne se fût pas un peu trop obstinément fixé, sur ceux des autres, sans hardiesse toutefois, mais par un instinct d'observation, et pour y chercher le sens des paroles, qui échappaient souvent à son oreille inquiète, dans la volubilité d'une langue qui n'était pas la sienne. Il demeura bien assez longtemps encore dans cette première entrevue, pour qu'Ondine, retirée en un coin, s'aperçut que sa tête dépassait toutes les têtes qui se levaient, pour l'interroger ou pour lui répondre, et que sa physionomie, à travers les traits les plus réguliers, qu'elle vue encore, variait avec une mobilité attachante et rare, qu'il parlait vite et bien, qu'il s'arrêtait tout à coup comme s'il eût bégayé ou mal dit, regardant alors ses auditeurs avec un effroi d'enfant qui faisait souffrir Ondine, et sourire les autres comme pour lui rendre la parole, qu'il reprenait avec grâce et en s'inclinant pour remercier de la permission. Elle était avec sa taille svelte et libre, vêtue sans recherche et sans négligence, ce nouvel adepte, qui ne justifiait point l'idée qu'Ondine s'était faite des Allemands. Elle gardait dans sa mémoire ce qu'elle croyait être le type de la Germanie. Les Allemands, suivant son souvenir, étaient le gros homme qui apparut dans son enfance chez son père, et dont les jambes, le corps et la tête formaient un bloc un peu mouvant, surmonté d'un grand chapeau vert, et qu'on appelait M. Gottmann. Ce bloc, c'était l'Allemagne pour la jeune fille, et le nom d'Yorick Engelmann, qu'elle venait d'entendre au milieu du bruit, de sa présentation si peu cérémonieuse, acheva de déranger tout ce qu'elle avait retenu de M. Gottmann et de la nation tudesque. Quand elle se retrouva seule avec M. Léonard, elle promena un regard consterné sur les débris de son cabinet détruit. « Qu'aura-t-il pensé, mon oncle ? » dit-elle avec inquiétude. « Qui ? » demanda M. Léonard, en clouant au mur son cadre de papillon. « Abel ? » ?»« Non, pas Abel, mon oncle. Il est accoutumé à votre atelier, lui. »« À l'autre jeune homme ?» Il doit être content de nous, j'espère. Vous plaisantez, nous l'avons reçu comme un dieu. Je suis aussi fort satisfait de vous, soit dit en passant. Vous y avez apporté du zèle, de la promptitude et du désintéressement. Pauvre petite, elle donne sa chrysalide avant d'avoir des ailes. Eh bien, voyez ce qui en résulte. Nous avons maintenant un atelier d'une dimension admirablement régulière. Je ne vois pas ce qu'on peut souhaiter de mieux. Cet Allemand serait bien difficile s'il ne revenait pas. Ondine fut consolée. « Et vous croyez qu'il reviendra, mon oncle ?»« Parbleu, d'ailleurs, il est libre comme l'air, plus libre que mes pauvres papillons, que je me reproche souvent d'aimer pour moi plutôt que pour eux, et de les poignarder comme si j'en étais jaloux. Je vous atteste qu'il est libre comme l'air, et que je n'en aurais pas moins pour lui beaucoup d'estime. Et moi aussi, mon oncle.